Les compétitions sportives nationales des écoles pour orphelins, commencées le 13 courant, se sont clôturées. La cérémonie de clôture a eu lieu le 20 à l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang. Les élèves des écoles secondaires pour orphelins de toutes les provinces ont disputé diverses épreuves comme football, basketball et volleyball. L'équipe de la ville de Pyongyang s'est classée première au classement général.